L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Pour la première fois, une équipe d'astronomes est parvenue à étudier une exoplanète de type Super Terre avec un télescope terrestre relativement modeste. La plupart des exoplanètes ont été détectées puis étudiées avec des télescopes spatiaux, dont la position en orbite rend la détection bien plus aisée. Certes, des très grosses exoplanètes du type de Jupiter ont pu également être détectées avec des télescopes terrestres. En revanche, pour une super Terre seulement 2 fois plus grosse que notre planète et 8 fois plus lourde, une détection depuis un télescope de 2,50 m de diamètre avec une atmosphère plus ou moins turbulente au-dessus de lui est une réelle prouesse. Cette exoplanète fait partie d'un système stellaire de 5 planètes tournant autour d'une étoile très semblable au Soleil qui s'appelle 55 Cancri, 55 CNC, située seulement à 40 années-lumière de chez nous dans la constellation du Cancer. La planète est la petite cinquième du système et porte la lettre E, 55 CNCE. Les 4 autres étant des grosses planètes comme Jupiter, avec des masses comprises entre 0,14 et 3,8 masses joviennes. 55 CNCE avait été découverte en 2004 par un télescope spatial par des mesures de vitesse de son étoile, mais a pu être détectée ici par la méthode du transit. Il s'agit d'observer la diminution de luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant au cours de sa période orbitale. Les chercheurs parviennent ainsi à déterminer la taille de la planète. En l'occurrence, 55 CNCE a un diamètre égal à 2% de celui de son étoile pour une masse de 7,8 fois celle de la Terre. Et l'étoile, elle, a une masse de 0,9 fois la masse solaire. L'équipe européenne menée par Ernst de Mouige a utilisé un télescope de 2,50 m, le Nordic Optical Telescope, NOT, à l'observatoire del Roque de los Mochachos à La Palma, aux Canaries. Ils ont observé en mode spectrophotométrique grâce à l'instrument Andalusia Faint Object Spectrograph and Camera, ALFOSC, associé au Nordic Optical Telescope. En regardant en même temps l'étoile 55 CNC et une deuxième étoile très proche, nommée BOCNC, qui leur a servi de référence pour éliminer les effets des perturbations atmosphériques et les effets instrumentaux parasites. La dimension de la planète 55 CNCE qu'ils obtiennent et publient dans The Astrophysical Journal Letters est tout à fait cohérente avec d'autres valeurs obtenues avec des télescopes spatiaux en 2012 et en 2014. Le canadien MOST, pour Micro Variability and Oscillations of Stars, qui est aussi le plus petit télescope spatial, et l'états-unien plus imposant Spitzer. Il faut tout de même garder à l'esprit que 55 CNCE a beau être une super Terre, elle est loin d'être similaire à la Terre. C'est l'une des exoplanètes qui a la période de révolution autour de son étoile la plus courte. Une année sur 55 CNCE dure seulement 18 heures. Oui. Ce qui veut dire aussi que cette planète se trouve à très grande proximité de son étoile, bien plus près que n'est Mercure du Soleil. Ce qui veut dire aussi que la température qui règne à sa surface est estimée à 1750 degrés. Il fait pas très froid là-bas. Hein. Bon, en fait, ce qui est très important, c'est de savoir que l'on peut désormais suivre et étudier ce type de planète depuis le sol, avec des petits télescopes, petits entre guillemets télescopes, parce que ce sont justement les types de planètes qui seront massivement découvertes autour d'étoiles brillantes proches dans la décennie qui va venir, grâce notamment à la mission TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui est prévue pour être lancée par la NASA en 2017. Un autre avantage de ces télescopes de 2,50 m est que leur coût est sans commune mesure avec les télescopes géants comme les VLT ou l'EELT, et a fortiori les observatoires spatiaux. Cet article de Ernst de Muige et ses collègues est paru dans le numéro du 20 décembre 2014 de The Astrophysical Journal Letters et s'intitule Ground-based Transit Observations of the Super Earth 55 CNC E. Eh oui, bah oui. On peut dire aussi 55 Cancri E.